Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Salon d'écoute, vendredi 11 avril 2025, le Festival d'Archipel entre dans son deuxième et dernier week-end, avec énormément d'événements, bien sûr, comme toujours, et on commence la journée avec notre traditionnel partage d'écoute. Nous recevons aujourd'hui Léo Duplex, musicien et compositeur. J'allais vous le présenter comme un claveciniste qui a étudié de nombreuses années le clavecin. Je viens d'apprendre que pas du tout. Il a trouvé par hasard presque un clavecin, j'allais presque dire au marché aux puces, mais c'est un tout petit peu exagéré. Il s'est passionné pour cet instrument, en a fait presque un art de vivre, j'ai envie de dire. Et on est là pour, juste pour repréciser que ce soir, donc, Léo Duplex présente avec son trio Les Certitudes, une nouvelle œuvre en création pour clavecin, synthétiseur analogue, violoncelle, clarinette. Le synthé n'est plus là finalement. Ah, le synthé a disparu. Voilà, le synthé a disparu. C'est perdu. Le clavecin, lui, par contre, il est bel et bien là, grâce à Françoise Philippe d'ailleurs, qui nous met, il faut le redire, qui nous met à disposition son magnifique instrument. Et donc, voilà, pour ce partage d'écoute aujourd'hui, eh bien, Léo va nous faire écouter ce qui le nourrit musicalement depuis toutes ces années. Bonne écoute. Donc je vais vous faire écouter des choses qui s'épandent sur une très grande période de temps, presque 13 siècles, entre la première composition et les dernières, et aussi dans l'espace avec des pièces, des musiques japonaises, européennes, américaines. Et voilà, et on commence par un morceau de clavecin justement, de musique italienne du début du XVIIe siècle, avec un accord un peu spécial de l'instrument. Thank you. poursuit avec un morceau du compositeur et guitariste australien Oren Ambarchi. Le morceau Wednesday de son disque Suspension. Thank you. pour le prochain morceau, on va être avec la musique des Trouvères, 12e siècle en Europe. La prière va. Suivant, on va être au Japon. C'est de la musique gagaku, mais c'est pas exactement la musique du gagaku jouée avec les instruments, mais c'est de la musique d'entraînement en fait, qui est chantée plutôt que jouée sur les instruments. Léo, tu peux parler plus fort. Ah ok. Ouais, on t'entend très bien. Ah ok. Donc c'est de la musique, c'est du gagaku, de la musique japonaise. Mais c'est pas la musique telle que jouée dans l'orchestre, mais c'est une piste d'entraînement, c'est-à-dire avant de jouer la musique sur les instruments, ils s'entraînent en la chantant et en tapant le rythme, vous allez entendre. Merci. Vous tentez la coupe. Oh. Ensuite, on sera en Irlande. Je crois que le groupe est irlandais. À la fin des années 90, le groupe bien connu My Bloody Valentine, sur le disque Loveless, le morceau To Hear Knows When. Thank you. Ensuite, nous allons faire un tour aux États-Unis dans les années 60, à New York précisément, avec le compositeur Terry Jennings, qui était un proche de Lamonté Young, un compositeur qui est mort très jeune et qui a été beaucoup joué, notamment par le violoncelliste Charles Curtis. Et donc là, nous avons un morceau qui s'intitule Song, joué par Charles Curtis, violoncelle, et un pianiste dont je ne connais pas le nom. Thank you. On va retourner au clavecin avec le compositeur allemand Globetrotter Froberger et l'allemande de sa suite numéro 20 en Ré qui a pour sous-titre Méditation faite sur ma mort future. Ensuite, nous allons retourner au Japon, un peu plus tard, dans les années 70, début 80, avec le compositeur Satoshi Ashikawa. Son disque Stillway, le seul disque qu'il ait fait, puisqu'il est mort aussi très jeune, à 35 ans, d'un accident de voiture. Donc c'est le morceau Steel Park Ensemble. Thank you. terminer cette sélection, on va écouter un morceau du compositeur français Gabriel Fauré, une mélodie chantée par Cyril Dubois avec Tristan Raes au piano. Ça s'appelle Le Papillon et la Fleur. La fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas, pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes et loin d'eux, et nous nous ressemblons et l'on dit que nous sommes fleurs tous deux. Hélas, l'air t'emporte et la terre m'enchaîne. Sois cruel, je voudrais embaumer ton vol de mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin parmi tes fleurs sans nombre. Vous fuyez, et moi je reste seul à voir tourner mon ombre. Ah, et bien. Reviens, puis tu t'en vas encore, lui rayant. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore, tout en pleurs. Ah, pour que notre amour coule des jours fidèles, ô mon roi. Prends comme moi racine, ou donne-moi des ailes, comme à toi. Écoute.